Lecture d'un article paru le 21 juillet 2018 sur le site de Mediapart et qui s'intitule « À Bure comme ailleurs, les autorités ciblent l'autodéfense juridique ». C'est un article de Christophe Guignot et Jade Lingard. À la suite d'une vague de perquisitions et de garde à vue le 20 juin, y compris de l'avocat des anti-CGO Étienne Ambrosselli, 6 personnes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs. Comme ailleurs en Europe, les autorités ciblent en particulier la Legal Team, ce réseau d'autodéfense juridique développé par les opposants. Surveillance téléphonique, fichage, contrôle lors de passages de frontières, à Bure, dans la Meuse, des militants et militantes opposés au projet du site d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO font l'objet d'opérations policières et de renseignements d'une grande ampleur. 10 ans après le début de l'affaire Tarnac, le fantôme d'un des plus grands fiascos judiciaires de ces dernières années plane plus que jamais sur ce dossier dans lequel les renseignements territoriaux traquent une supposée organisation anarcho-autonome. Les autorités ciblent en particulier la Legal Team, ce réseau d'autodéfense juridique développé par des opposants et opposantes, et l'automédia, une forme de communication collective et autogérée. Ces deux modes d'auto-organisation sont centraux dans les pratiques militantes du mouvement antinucléaire et sont perçus par les enquêteurs comme des faits répréhensibles en soi. Le 20 juin, à la suite d'une vague de perquisitions et de gardes à vue, y compris de l'avocat des anti-CGO, Étienne Ambrosselli, 6 personnes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs. Selon le juge d'instruction, Kevin Le Fur, les personnes poursuivies sont accusées d'avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits et ont commis des délits en bande organisée. Elles sont liées dans l'enquête à l'organisation d'une manifestation non déclarée à Bure le 15 août 2017, à un départ d'incendie à l'hôtel-restaurant Le Blin d'Œil, en juin, situé en face du centre de recherche de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et à une action collective contre l'écothèque du laboratoire qui s'était soldée par des dégradations matérielles. Selon les récits recueillis par Mediapart, voir la boîte noire en bas de l'article, au moins un an d'écoute téléphonique permanente sur une trentaine de personnes ont nourri des centaines de pages d'instructions. Une centaine d'autres auraient été écoutées de façon intermittente par la cellule de Bure, créée au sein de la brigade de recherche de la gendarmerie de Nancy. Interrogé par Mediapart, le parquet de Bar-le-Duc n'a pas donné suite. Une personne raconte avoir entendu en garde à vue des forces de l'ordre plaisanter sur sa vie sexuelle, espionnée par téléphone. Une autre, des commentaires sur la vie personnelle de son enfant. Une troisième se fait questionner sur son goût pour les jeux de société. Un enquêteur note qu'un ou une militante s'habille en noir. Lors de la perquisition chez lui, un militant dit avoir été plaqué à terre et menotté dans le dos, alors que, tiré du lit, il ne portait qu'un t-shirt. La porte de son domicile a été brisée à coups de bélier tandis qu'il criait « Je vais vous ouvrir !» Une autre personne a raconté avoir été menottée sur son lieu de travail et emmenée, entravée, dans le local de son association, devant ses collègues. Des militants et militantes n'ont plus le droit de se rendre dans les villages de Bure, siège de la Maison de la Résistance, lieu historique d'accueil, de réunion et de vie collective, et à Saudron, dans les Hautes-Marne, siège du laboratoire de l'ANDRA. Plusieurs personnes n'ont plus le droit de se parler, y compris avec l'avocat du mouvement. Une personne n'a pas le droit de quitter le territoire national, Et les militants et militantes ont fait appel de leur contrôle judiciaire. De leur point de vue, ils portent atteinte au libre exercice de leur vie associative et militante en les empêchant de se retrouver dans la même réunion. L'audience est fixée au 8 août. Ces interdictions de communication rendent plus difficile le travail d'opposition juridique à CIGEO car, à Bure, les militants et militantes de terrain nourrissent le travail des avocats et des avocates contre le projet, et vice-versa. Davantage que dans d'autres mouvements, les opposants et opposantes ont développé des formes horizontales de travail et de partage des connaissances et de réflexion stratégique. La Legal Team, qui soutient l'autodéfense des militants et militantes face à la justice et les ordres et les forces de l'ordre, et le groupe juridique, qui prépare les recours contre le projet du centre d'enfouissement, travaillent ensemble. Les collectifs locaux lisent les dossiers d'enquête publique et participent aux recours. Les avocats utilisent leurs connaissances du terrain pour batailler au tribunal contre la manière dont le projet d'enfouissement de déchets nucléaires est conduit. Comme lorsqu'ils s'attellent à démanteler un réseau criminel, les gendarmes ont réalisé des schémas sur l'organisation interne du mouvement de Bure. Les personnes sont considérées comme des objectifs prioritaires car soupçonnées par les enquêteurs d'être les chefs au vu du nombre d'échanges téléphoniques auxquels ils et elles participent. Ce sont aussi celles qu'ils identifient comme les plus actives dans la Legal Team et l'automédia. Mais cette interprétation hiérarchique, disciplinaire et mécaniste des fonctionnements militants est complètement erronée. À Bure, comme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à Sivens ou Roibon, les activistes mettent un point d'honneur à agir de façon horizontale, collective et souvent dans une forme d'improvisation. Entre personnalités d'âge et de cultures différentes, les désaccords sont nombreux et les divergences tombent parfois à l'affrontement. L'idée d'un mouvement uni, organisé et d'un seul bloc est illusoire et trompeuse. Citation. Les Legal Team, les caisses de solidarité ou les collectifs anti-REP, anti-répression, existent un peu partout en France. Existe le réseau anti-REP France dans une tribune à lire en lien sur le club Mediapart. Je vous dis ça. Ah oui, c'est ça, c'est sur le blogs.mediapart.fr. Dans la partie des invités de Mediapart. Je mettrai de toute façon le lien en description. Donc c'est Legal Team et Caisse de Solidarité et ou collectif anti-REP se sont créés pour faire face à la répression juridique qui s'abat de plus en plus durement sur toutes celles et ceux qui déplaisent à l'État. Elles permettent à chacun chacune de trouver de l'aide pour élaborer une défense juridique et d'être soutenu financièrement dans les démarches judiciaires. Fin de citation. Pour les membres de ce réseau d'entraide, à travers les personnes arrêtées en lien avec la mobilisation de Bure, il s'agit d'une nouvelle stratégie répressive qu'il faut prendre très au sérieux, après s'en être pris à nombre d'activistes, puis à leur matériel, l'État s'en prend aujourd'hui directement aux structures qui permettent aux personnes en lutte de renforcer leur principal atout, la solidarité. Donc ça, c'était aussi un extrait de cette tribune du réseau anti-REP France. Depuis quelques années, le réseau d'anti-REP se développe en France. Il réunit militants et militantes, avocats et avocates, et agit à long terme sur l'analyse des dossiers des personnes poursuivies, alors que les Legal Team apparaissent et disparaissent au gré des mobilisations ponctuelles. Cela permet de mettre les gens au centre de leur défense. C'est au cœur des valeurs de l'anti-REP, explique l'avocate Muriel Rueff, défenseur depuis de plusieurs mises en examen. pendant les interrogatoires des gardés à vue, des questions ont été posées sur l'autodéfense juridique, d'après leur récit. Qui paye vos avocats? Qu'est-ce qu'une legal team? Qui en est membre? Avez-vous le numéro de la legal team? Êtes-vous membre de la legal team? Au point qu'une avocate a demandé au juge d'instruction si le fait d'assurer les droits de la défense était devenu un délit. Une personne gardée à vue ayant refusé de répondre à ce type de questions, un gendarme lui aurait répondu: si vous pensez que la legal team n'exerce que les droits à la défense, pourquoi refusez-vous de répondre aux questions? Pendant sa garde à vue, on fait écouter à une personne un enregistrement de la ligne téléphonique de la legal team. C'est votre voix? Pour Muel Rueff, citation, c'est un moment crucial pour l'anti-REP. Ce dossier peut devenir un dossier emblématique de la défense collective. Auto-organiser notre défense juridique, c'est une pensée politique très forte. On s'approprie le droit. On veut être maître de notre défense, explique une militante. Pour Harry Halimi, avocat au barreau de Paris et membre de la Ligue des droits de l'homme, la LDH, ce besoin d'auto-organisation, notamment juridique, s'est structuré dans un contexte de répression accrue ces dernières années, notamment à l'égard des mouvements de type zadiste ou de manifestations contre l'État. Mécaniquement, la réponse policière s'est alors adaptée. Les gens ont conscience de leurs droits et les policiers ne le supportent pas, dit-il. On retrouve le même schéma d'incrimination sur l'automédia. À Bure, comme pour d'autres mouvements militants, il existe un téléphone collectif que les journalistes peuvent appeler pour apprendre des informations sur les mobilisations. Une personne mise en examen a raconté s'être vue demander, lors de sa garde à vue, « Avez-vous répondu au téléphone presse? Étiez-vous en possession de l'appareil? Avez-vous publié ou corrigé des textes sur le site internet du mouvement ?» D'après les mêmes sources, les gendarmes lui ont fait écouter des enregistrements de conversations entre les téléphones presse et une journaliste. « Est-ce vous qui répondez au téléphone le 15 août, date d'une manifestation non déclarée, qui a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre ?» Les enquêteurs considèrent apparemment le fait de répondre aux questions de médias que ça équivaut à un acte de revendication. Un opposant a rapporté s'être entendu dire: si c'est vous qui avez répondu alors que les violences ont été commises par les manifestants et que la dispersion a été ordonnée par les forces de l'ordre, c'est que vous assumez ce qui s'est passé. Pour les autorités, refuser de condamner des faits commis par des militants et militantes se confond avec l'idée d'une complicité à leur égard. Et je m'arrête là parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui a basculé ces dernières années et de manière flagrante et qui fout un gros bordel partout. Je reprends la lecture. Les opposants et opposantes défendent de leur côté la nécessaire solidarité entre camarades de lutte. Les enquêteurs recherchent aussi qui écrit les communiqués de presse, qui publie sur le site, qui rédige les comptes rendus de réunion, sur quel ordinateur, qui prend la parole en assemblée générale. À travers ces récits, on apprend au passage que des personnes en théorie protégées par le secret professionnel, avocats et avocates, journalistes, ont été écoutées par les gendarmes. L'instruction a ainsi nourri un énorme dossier de renseignements sur un mouvement qui attire de nombreux jeunes et qui est en train de renouveler la mobilisation antinucléaire en France. Une salariée d'une association locale, co-organisatrice de rassemblements à Bure et à Bar-le-Duc, a subi un interrogatoire serré alors qu'elle se rendait à Londres avec des amis pour un voyage privé. Qui a-t-elle vu? Où s'est-elle rendue? Ses bagages ont été fouillés et il s'en est fallu de peu qu'elle rate son train. Sur la note blanche d'une autre militante versée au dossier d'instruction dans une autre procédure, on peut lire « Militante anarcho-autonome susceptible de se déplacer en France et à l'étranger. » Et aussi « Ne pas attirer l'attention, signaler passage, relever provenance, destination, moyen de transport et signaler accompagnant, si possible photocopie des documents de voyage. » En mars 2018, à préfète de la Meuse, Muriel Nguyen, nommée chevalier de la Légion d'honneur le 14 juillet 2018, interdit les manifestations contre Cigéo, car, ouvrez les guillemets, plus de 700 opposants sont attendus, dont au moins une centaine comptant parmi les militants de l'ultra-gauche et des collectifs antinucléaires formés aux techniques de guérilla urbaine. Fermez les guillemets. Pourtant, après 3 vagues de perquisitions, aucune arme n'a été saisie chez les militants et militantes, ni aucun plan d'insurrection. Mais toutes ces opérations policières laissent des traces sur les personnes visées. Elles racontent vivre difficilement la situation. Il leur faut regarder derrière soi si l'on est suivi, à s'inquiéter de bruits inhabituels dans l'escalier de l'immeuble, à ne jamais sortir de chez soi sans éteindre son ordinateur, à se méfier au téléphone de peur d'être écouté, à murmurer à l'oreille certaines choses importantes, à voir des forces de l'ordre en bas de chez soi et à être régulièrement filmé et photographié. On perd toute spontanéité de la vie, à en perdre le goût. Ils veulent te prendre ton existence, te rendre ton existence insupportable, témoigne l'une d'elles. De leur côté, les opposants et opposantes revendiquent un durcissement de leurs actions, appellent au boycott du débat national et veulent organiser une concertation délocalisée et autogérée. On est dans une impasse avec l'État et on se demande qui va casser la gueule à l'autre, explique Jean-Marc Fleury de Léodra, l'association des élus contre le projet d'enfouissement, lors d'une manifestation à Bar-le-Duc le 16 juin. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On espère que les choses finiront bien. Mais il faut que quelqu'un ouvre la porte. Les pouvoirs publics parlent de radicalisation au sujet de l'opposition à Cigéo. Nos actions sont plus fortes, c'est vrai. Mais qui est responsable? Pour moi, c'est l'État qui a coupé les autres options. Il va peut-être y avoir des actions illégales. Qu'on comprend très bien, car nos actions légales, elles ont servi à quoi depuis 23 ans? Tant qu'on n'a rien cassé, il ne s'est rien passé. Dédicace à Julien Durand, soit dit en aparté. Au-delà de Bure, l'autodéfense juridique mise en cause. Le ciblage par les forces de l'ordre de l'autodéfense juridique n'est pas un privilège français. Dans une interview donnée au site Global Project, Donatella Della Porta, professeure à la Scuola Normale Superiore en Italie, qui collabore au projet Mapping No G20, avec un lien vers une présentation que je vous glisserai, le concept de répression s'est transformé ces dernières années. Il a élargi son champ d'application et inclut, à présent, des catégories entières de population. J'en profite pareil pour glisser une aparté rapidement pour dire que c'est le triste anniversaire de la mort de Carlo Giuliani et des massacres perpétrés par la police italienne dans l'école Diaz lors du contre-sommet et du sommet de Gênes. Voilà, tous les étés, il y a ce triste anniversaire qui nous rappelle jusqu'où sont capables d'aller l'État et son bras armé quand il a peur d'être bousculé par des opposants politiques. Je reprends la citation, la suite de la lecture. Selon cette tendance, non seulement celui qui, dans les faits, commet un crime, mais aussi celui qui, pour des prérogatives spécifiques, idéologie, origine, foi, âge, est considéré comme potentiellement capable de perpétrer un crime, peut être poursuivi, estime la chercheuse. Un bon exemple de cette tendance, en France, a été observé au printemps 2016, au moment de la mobilisation contre la première loi travail. Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le procureur général a ainsi argué pour demander l'incarcération d'un mis en examen au motif suivant, pardon, du motif suivant. Enfin, la découverte en perquisition chez X d'un document d'un syndicat d'avocats intitulé Manifestants et manifestantes, droits et conseils en cas d'interpellation, vient corroborer la volonté manifeste de participer à des actions violentes en cours de manifestation, puisqu'il prend des éléments sur la conduite à tenir en cas d'interpellation. Le syndicat des avocats de France, le SAF, à l'origine du texte trouvé chez le jeune homme, avec un lien qui est dans le texte, s'est insurgé contre ces réquisitions. 2 ans après, Laurence Roch, présidente du SAF, est toujours scandalisée par le procédé. Le fait d'accéder à ses droits devient une posture criminelle, dit-elle à Mediapart. Le procureur général a certes reculé par la suite, parlant d'un malentendu. Il n'empêche, l'avocate y voit une criminalisation de l'accès aux droits, d'autant que ce cas n'est pas isolé. En ce même printemps 2016, à Lyon cette fois, à l'occasion d'une comparution immédiate rapportée par le site Rébellion, un juge a pu reprocher à un jeune homme d'avoir dans son sac à dos un tract donnant des conseils en manifestation. Selon le site, le juge en a fait la lecture intégrale, accusant le jeune homme, ouvrez les guillemets, paradoxalement, de s'en être inspiré pour préparer sa participation à la manif, préméditation, mais de ne pas l'avoir suivi à la lettre, naïveté. Fermez les guillemets. Le droit de se taire est bafoué. À Nantes, la même année, 4 personnes ont été placées en garde à vue, ou entendues librement, par des gendarmes qui les soupçonnaient d'avoir appelé publiquement à une collecte de dons pour régler des amendes dont des militants et militantes avaient écopé après les manifestations. Lors des auditions, la police a cherché à connaître la structure de l'association accueillant les dons. 30 000 euros avaient été réunis, une belle somme, et l'identité des personnes opérant les retraits d'argent. Le parquet avait été saisi, mais personne n'a finalement été mis en examen. Les automédias sont également dans le collimateur des forces de l'ordre et de la justice, en France et en Europe. Dans la suite du contre-G20 à Hambourg, à l'été 2017, les forces de l'ordre allemande ont procédé à une série de perquisitions visant le site linksunten.indymedia.org, une plateforme servant de lieu de publication de nombreux textes de l'extrême gauche allemande. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Thomas de Maizière, avait estimé que le site relayait des propos haineux et surtout pouvait apparaître comme assistance concrète pour commettre des infractions. Il ne devait pas avoir Facebook. Le site ne fonctionne plus aujourd'hui. Il faisait pourtant partie d'un vaste réseau présent dans 60 pays et mis en place depuis 1999 dans la première vague du mouvement altermondialiste. En France, 2 sites IndyMedia ont également fait les frais de la justice en septembre 2017. Un texte revendiquant l'incendie de véhicules de la gendarmerie à Grenoble est diffusé sur le site IndyMedia Grenoble, puis relayé par le site IndyMedia Nantes. Le soir même, les hébergeurs de IndyMedia.org reçoivent une injonction du ministère de l'Intérieur leur demandant de supprimer le texte. Le texte est considéré par les autorités comme une, ouvrez les guillemets, provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. Article 421-2-5 du Code pénal. Tous les moyens semblent être mobilisés pour réprimer l'expression autonome des mouvements de lutte, estimaient les signataires d'un appel à soutien publié quelques jours plus tard. Il y a quelques années déjà, les autorités françaises avaient tenté de s'en prendre aux sites de Grenoble ainsi que Paris pour leurs activités de cop-watching, qui constituent à publier photos de policiers et gendarmes en service, de les recenser pour lutter contre les violences policières. Les syndicats de policiers avaient dénoncé des sites anti-flics et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, avait embrayé, obtenant de ses hébergeurs la fermeture du cop-watch parisien. Le cop-watching n'en a pas moins continué, notamment à Calais, où des militants et militantes de la cabane juridique tentent de filmer les expulsions de squats ouverts par les migrants. Pour une membre ouverte par... pour les migrants, j'imagine. Pour une membre de la cabane juridique, les gendarmes sur place n'apprécient pas les caméras. Ils tentent de les faire tomber ou bien nous filment en retour, dit-elle. Un membre de la cabane juridique, arrêté à proximité d'un squat évacué alors qu'il filmait, devait comparaître prochainement accusé de dégradation. Un nouveau cap a sans doute été franchi en juin, en Allemagne. Ce ne sont plus seulement les militants qui sont visés, mais les associations qui promeuvent certains outils qu'ils utilisent. L'association allemande Zweibeltfreunde a ainsi vu ses locaux et le domicile de plusieurs administrateurs perquisitionnés. Plusieurs habitations, un hackerspace, un centre social et un cabinet d'avocats ont également été visés et les ordinateurs, téléphones, documents et disques durs ont été emportés. Zweibeltfreunde est une association qui soutient partout en Europe des initiatives destinées à garantir l'anonymat en ligne et la sécurité informatique. Elle participe ainsi au réseau de chiffrement Tor ou bien au système d'exploitation sécurisé TELS. Et je crois que ça touche aussi Rise Up. Mais l'association n'était pas visée en tant que telle par la police allemande. De fait, c'est une autre activité qui lui a valu cette série de perquisitions. Zweibeltfreunde s'occupe de récolter en Europe des dons pour la messagerie chiffrée Rise Up, utilisée par nombre de militants et militantes. C'est un appel à perturber le congrès de l'AFD, l'extrême droite allemande, publié sur un site internet anonyme, mais au moyen d'une adresse RiseUp, qui a entraîné les perquisitions. L'association dénonce une perquisition illégale, arguant que la police allemande a saisi de très nombreux documents pour lesquels elle n'avait aucun mandat. Selon elle, les policiers se sont notamment emparés de papiers contenant des informations particulièrement sensibles, dont l'identité de donneurs et d'activistes ayant reçu des remboursements ou des paiements, et une liste de ses membres. Il y a clairement eu excès de zèle de la part des policiers avec ces perquisitions, juge Benjamin Sontag, l'un des fondateurs et trésoriers de la Quadrature du Net. Il n'empêche, Sontag observe une multiplication de ces perquisitions qui visent des ordinateurs et téléphones des militants et militantes. De plus, dans ces cas-là, suite de ce qu'il explique, la police copie parfois l'ordinateur sur place mais ne l'emporte pas, ce qui fait que cette copie n'apparaît pas dans le rapport de perquisition. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, le CNCDH, nous a donné raison quand nous avons contesté ce point, mais elle n'est que consultative, affirme Benjamin Sontag. Tout cela montre l'importance du chiffrement pour tous les militants, ajoute-t-il. Mais l'État s'est adapté au nouveau mode de communication. La loi condamne désormais le fait de refuser de donner son code de téléphone ou sa clé de chiffrement. Le Conseil constitutionnel a même confirmé tout récemment que la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est prévue à l'article 434-15-2 du Code pénal, qui punit de 3 ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende le fait de refuser de donner son code, était conforme à la Constitution. Le droit de se taire est bafoué, affirme Benjamin Sontag. Mais la CEDH ne dira cela que dans 10 ans. Un des gardés à vue de Bure, à qui l'on a demandé ses codes, ne dit pas autre chose. Or, dans 10 ans, le projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur le site pourrait bien être déjà en place. Et irréversible. Si vous avez des informations à nous communiquer, vous pouvez nous contacter à l'adresse enquête@mediapart.fr. Si vous souhaitez adresser des documents en passant par une plateforme hautement sécurisée, vous pouvez vous connecter au site frenchleaks.fr. FrenchLeaks.fr. Petit ajout dans la boîte noire. Pour cette enquête, nous avons interrogé plusieurs opposants et opposantes au projet d'enfouissement des déchets nucléaires, CIGEO, à Bure, dont certains et certaines des personnes mises en cause. Tous et toutes ont requis l'anonymat. Contacté, le parquet de Bar-le-Duc n'a pas répondu à nos questions. Voilà. C'est donc un long article enquête signé Christophe Guignot et Jade Lingard pour Mediapart, s'intitule « À Bure, comme ailleurs, les autorités ciblent l'autodéfense juridique » et qui est paru le 21 juillet 2018 sur le site de Mediapart, mediapart.fr, tout simplement. Ça s'arrête là, à moins que je vous lise dans la foulée, même si ça fait un peu long, j'en suis désolée, parce que je pense que c'est quand même important. Le communiqué de la tribune de l'Anti-Rep France, parce qu'il est assez court au final, donc autant le faire dans la foulée. Le réseau Anti-Rep France. La solidarité est notre arme. Et c'est publié le même jour, le 21 juillet 2018, par les invités de Mediapart en tant que tribune de Mediapart, enfin des blogs de Mediapart. Après les arrestations et perquisitions visant des militants anti-CIGEO à Bure, différents collectifs d'aide juridique et de lutte contre la répression s'insurgent. L'objectif est clairement de s'en prendre aux structures qui permettent à nos luttes de vivre et de se défendre. Ce 20 juin à Bure, après près de 200 gendarmes ont arrêté 8 personnes et perquisitionné 11 lieux de vie et d'organisation de la lutte contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Les personnes arrêtées sont accusées de former une association de malfaiteurs. Accusation très lourde, qui vise à criminaliser le fait même de s'organiser collectivement pour lutter contre le projet de poubelle nucléaire et, plus incroyable, la construction de liens de solidarité médicale et juridique entre les opposants et opposantes. Nous, différents collectifs d'aide juridique et de lutte contre la répression, réagissons ensemble à cette attaque. Affirmons que nous continuerons de solidifier nos solidarités et appelons chacune et chacun à nous rejoindre. Les Legal Team, les caisses de solidarité ou les collectifs anti-REP existent un peu partout en France. Elles se sont créées pour faire face à la répression juridique qui s'abat de plus en plus durement sur toutes celles et ceux qui déplaisent à l'État. Elles permettent à chacun chacune de trouver l'aide pour élaborer une défense juridique et d'être soutenu financièrement dans les démarches judiciaires. Les legal teams se confrontent directement aux inégalités du système juridique qui favorise toujours les plus riches, individualise les responsabilités et les peines et infantilise celles et ceux qu'ils subissent. Par sa complexité et son entre-soi, le monde juridique nous confisque toute autonomie pour nous défendre et nous rend bien souvent complètement dépendants d'experts et d'expertes du droit tels que des avocats et avocates. C'est ainsi que l'appareil judiciaire assure toujours plus d'isolement et l'impuissance des populations. Pour faire face à la répression judiciaire, il existe donc deux enjeux majeurs. Se réapproprier nos défenses, en questionnant le rôle de l'avocat et en l'intégrant à une défense plus large, et construire des défenses collectives. C'est sur cette base que se sont construites les legal teams, qui sont devenus des outils indispensables à l'heure où n'importe qui peut se retrouver en prison pour avoir manifesté sa colère. Tout comme les medic teams, elles sont l'expression concrète d'une solidarité inébranlable. Ce qui s'est passé à Bure n'est donc pas anodin. Les questions posées lors des auditions et les moyens de l'enquête ne laissent aucun doute. L'objectif est clairement de s'en prendre aux structures qui permettent à nos luttes de vivre et de se défendre. À travers les personnes arrêtées, ce sont en effet les outils collectifs que représentent le soutien juridique, les groupes de soins ou encore les groupes d'automédias qui sont visés. Il s'agit pour nous d'une nouvelle stratégie répressive qu'il faut prendre très au sérieux. Après s'en être pris à nombre d'activistes, puis à leur matériel, l'État s'en prend aujourd'hui directement aux structures qui permettent aux personnes en lutte de renforcer leur principal atout, la solidarité. Une solidarité qui devient instinctive face au niveau ahurissant des violences policières et de répression juridique. Tout comme en Allemagne avec la fermeture du site Linsunken, Linksunken in die Media, ou les menaces d'interdiction adressées à Indie Media Grenoble, l'offensive vise à détruire nos réseaux d'entraide, de soutien et de communication, tout en faisant planer un climat de peur au-dessus de toutes celles et ceux qui s'organisent politiquement. Ce ne sont pas quelques personnes, ni même une lutte en particulier qui a été attaquée le 20 juin, mais des idées, des combats et des réseaux de liens dans leur ensemble. Nous avons besoin qu'une solidarité générale s'exprime. La défense collective, comme le soin des blessés ou la diffusion de l'information, doivent devenir l'affaire de toutes et tous, pour qu'aucun et aucune ne puisse être isolé. Si Gérard Collomb et ses semblables semblent s'évertuer à criminaliser les formes les plus élémentaires de solidarité, en poussant vers la prison des personnes qui ne font que résister naturellement à l'inacceptable, à travers le délit de solidarité, et menaçant de représailles toutes celles et ceux qui ne se dissocient pas du cortège de tête, qu'ils ne se détrompent pas. Aucun État, même les plus totalitaires, n'a jamais eu et n'aura jamais raison de ce qui constitue notre humanité la plus désintéressée. L'histoire garde la mémoire positive de celles et ceux qui ne vendent pas leur âme aux plus offrants ou aux plus autoritaires. Les autres ne resteront que des noms sur la longue liste insipide des hommes de pouvoir et de compromission dont personne ne veut jamais se souvenir. Nous ne laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas intimider ni abattre par ces manœuvres grossières. Nous sortons plus aguerris, plus forts et fortes et plus déterminés de ces épreuves. Par sa surenchère et ses accusations toujours plus grotesques, l'État nous montre qu'il peine toujours plus à nous faire taire. Si ces services de renseignement semblent tout attendre, tout entendre et tout savoir, ces affaires nous montrent néanmoins qu'ils ne comprennent rien de nous et qu'ils sont bien incapables de nous faire disparaître. Les liens qui unissent toutes celles et ceux qui se soulèvent sont intouchables. Notre solidarité est notre arme. No pasarán. Le réseau Anti-REP France. Et c'est à retrouver sur la partie blogs.mediapart.fr. Est paru le 21 juillet 2018.